Devant cette réaction de Don César, Don Salus fait entrer Rublas, son laquais, puis prétend aller chercher tout de même l'argent promis à Don César.